quand même besoin d'une voiture, même s'il habite les bas-fonds de ton subconscient. Il a besoin d'un chic appartement, a besoin de